Les beignets de Mademoiselle de Guise, d'Amédée de Bastes. Chapitre 1er. Un carreau sattelé de 4 chevaux s'arrêtait, le 6 avril 1734, dans la splendide et vaste cour du gothique château de Beaujeu. Deux hommes descendirent de l'équipage et furent reçus sur le perron par un vieux serviteur, Nestor, des domestiques du manoir. « Que nous apportez-vous là ? » dit le vieillard aux deux survenants, en désignant une haute et large caisse placée sur l'impériale du carrosse, et après avoir échangé avec eux de cordiales poignées de main. « Belle question, maître Joseph de Plunard, » repartit le plus jeune des étrangers, « et sied-il bien au vénérable maître d'hôtel de l'illustre maison de Guise d'ignorer qu'il n'existe pas plus de mariage sans présent que de fumée sans feu et de rivière sans poisson ? Et nous venons offrir, au nom de monsieur le duc de Richelieu, à votre belle et incomparable maîtresse, mon très cher Plunard, ajouta le second étranger, les séduisantes prémices d'un hymen qui va se conclure aux applaudissements de la France et de l'Europe entière. Fit le vieux maître d'hôtel en hochant la tête. Il est certain que le nom des Guise est toujours cher et respectable à la France, et que celui de Richelieu, bien que beaucoup plus moderne, ne l'est pas moins à nos provinces. Mais faut-il vous parler franchement, mes maîtres ? Je doute fort que le vaillant Balafré et le grand cardinal de Richelieu, s'ils revenaient au monde, fussent très satisfaits de cette alliance. Votre maître, quoique petit-neveu d'un prince de l'Église, mène un train de vie assez peu orthodoxe. Et je ne vous dissimulerai pas que je tremble en voyant ma noble et belle maîtresse confier le soin de son bonheur et de sa fortune à monsieur le duc de Richelieu. « Ne vous alarmez pas, mon bon Joseph, » dit le plus âgé des visiteurs, « et prenez meilleure opinion de notre maître, qui va devenir bientôt le vôtre. « Monsieur le duc de Richelieu a répudié les juvéniles erreurs du duc de Fronsac. Il n'est plus cet impétueux adolescent qui bravait la colère de Louis XIV et les sermons de Madame de Maintenon. Il n'est pas davantage le nocturne compagnon de plaisir de ce bon régent qui l'envoya pourtant 2 fois à la Bastille. En un mot, si notre maître n'est pas un caton, il s'en faut de beaucoup qu'il soit un lauzin ou un chevalier de Rion. Toujours brave, toujours aimable, toujours français par le cœur, par l'épée, par la plume et par le langage. Monsieur le duc de Richelieu, j'en suis persuadé, ne veut conserver de ses anciens triomphes que le secret de plaire à ses amis et à ses ennemis, et de verser son sang dans l'occasion pour le service du roi et de l'État. D'ailleurs, oubliez-vous, Joseph, que monsieur de Richelieu frise la quarantaine et qu'il a déjà été marié ? À mademoiselle de Noailles, interrompit le vieux serviteur. Et voilà précisément ce qui me chagrine, car tout le monde sait que cette union a été loin d'être heureuse. « Allons, allons, mon bon de Plunard, » interrompit le second interlocuteur, « quitte le rôle d'aruspice et d'augure, et surtout, ne vous évertuez pas à chercher un parallèle entre le premier mariage de monsieur de Richelieu et celui-ci. Monsieur le duc épousa mademoiselle de Noailles par l'ordre du roi. Il épouse aujourd'hui mademoiselle de Guise en vertu de l'amour le plus pur et le plus respectueux. Calmez donc vos craintes, faites taire vos scrupules, et pour le moment, annoncez à l'illustre châtelaine que Bernard de Savigny, secrétaire intime de monsieur le duc de Richelieu, et Gaspard de la Rivière, son écuyer, sollicitent l'honneur de lui être présenté. Impossible, repartit le maître d'hôtel. Mademoiselle règle en ce moment avec son procureur fiscal les comptes de ses vassaux, et elle a formellement interdit à ces gens, sous quelque prétexte que ce soit, l'entrée de son cabinet. « Ah, j'entends, » fit l'écuyer. « L'opulente héritière de la maison de Guise veut faire entrer dans ses coffres les sommes qui lui sont dues par ces diables de villageois, qui pleurent toujours misère sur des tas de blé. C'est agir sagement, et Abigail, de parcimonieuse mémoire, à la veille d'épouser le roi David, n'en a pas usé autrement. Vous n'y êtes pas, et votre hypothèse est malsonnante et téméraire, monsieur de la Rivière, » répliqua aigrement Joseph de Plunard. Le domaine et le château de Beaujeu sont les biens propres et forment l'apanage personnel de mademoiselle de Guise, et elle s'empresse, avant d'imposer un nouveau maître à ses vassaux, de leur donner quittance des sommes qu'ils peuvent lui devoir. « En vérité ?» exclamèrent simultanément le secrétaire et l'écuyer, en réfrénant une légère grimace. « C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, » reprit le maître d'hôtel. « Oh, vous ne connaissez pas notre chère maîtresse. Si c'est un ange pour la beauté, c'est un ange aussi pour la bonté. Que n'avez-vous interrogé les habitants de ce village ? Vous en auriez plus appris sur son compte que par tous les beaux discours dont elle est l'objet à la cour et à la ville. Le langage du cœur n'est pas fleuri, mais il est vrai. Et c'est celui-là que vous auriez entendue. Il n'existe pas une chaumière dans ce village où la présence de la noble héritière de Guise n'ait séché une larme, consolé une affliction, encouragé le travail, conjuré un malheur. Aussi nos villageois, dans leur rustique gratitude, ne manquent-ils pas de dire aux étrangers « Notre pays était autrefois hanté par des fées bienfaisantes. Nos grands-mères nous ont raconté bien souvent veiller les merveilleux effets de la protection de ces reines de la nuit. Mais nous avons aujourd'hui Mademoiselle de Guise, et grâce à elle, nous ne regrettons pas les fées des anciens temps. C'est le même cœur, ce sont les mêmes sourires, les mêmes largesses, et la crèche de nos enfants n'a rien perdu au change. Voilà, messieurs, les discours que vous aurez tenus, nos bons paysans. » D'honneur, mon cher Joseph, répondit Bernard de Savigny, bel esprit incompris à la solde du duc de Richelieu, sous le titre élastique de secrétaire intime, d'honneur, ce que vous nous dites là de la tendre sollicitude de Mademoiselle de Guise pour ses vassaux nous réjouit et nous étonne tout à la fois. Et on peut, sans crainte d'être démenti, affirmer qu'en France, peu de dames de paroisse sont faites sur ce modèle. Ah, pourquoi le château de Beaujeu ne se trouve-t-il pas sur les bords du Lignon ou sur la pelouse fleurie de la Limagne? Il serait facile de rajeunir en son honneur le vieux roman de Lastrée. Eh bien, Joseph, ajouta l'écuyer, les choses iront le mieux du monde. Si Mademoiselle de Guise est généreuse, Monsieur le duc de Richelieu est splendide et magnifique. Ah, la Ribière, interrompit le vieux serviteur, ne confondez pas, je vous prie, la bienfaisance avec la prodigalité. La noble passion de partager avec le pauvre les trésors de son épargne, avec l'aveugle et coupable manie de briller aux dépens de sa fortune et souvent de sa considération. Mais ce n'est ici ni le temps ni le lieu de discuter sur de semblables matières, et après tout, il n'arrivera que ce qui plaira à Dieu. Voyons, messieurs, faisons trêve à ce babillage et tâchons de placer convenablement le bagage conjugal dont vous vous êtes chargé. Prenez-y garde, Joseph, ce bagage conjugal, comme vous voulez bien appeler les cadeaux de noces de monsieur le duc de Richelieu, contient des objets de grand prix, fit la Rivière, et on ne saurait user de trop de précautions pour les installer avec honneur et sûreté. En les plaçant dans ce salon, répondit le maître d'hôtel en désignant du doigt une vaste pièce au niveau du perron, et où l'on apercevait à travers le vitrail de couleur un ameublement gothique et qui remontait à l'époque de la première croisade, je pense qu'ils seront très bien. Mademoiselle se rend chaque jour dans cette salle qui recèle les plus glorieux trophées de sa famille, les clés de la ville de Calais, le gonfalon de la République de Venise, conquis dans les guerres d'Italie, et les timbales hongroises prises à la bataille d'Ostrenka. Elle ne manquera pas d'y venir tout à l'heure en sortant de son cabinet. Et le premier objet qui frappera ses regards sera le miraculeux tribut de monsieur le duc de Richelieu. Le secrétaire et l'écuyer consentirent à cette translation, et Joseph de Plunard, ayant appelé une demi-douzaine de valets qui erraient dans les antichambres du château, on descendit avec des soins infinis de la voiture de voyage l'énorme caisse qui en couronnait le faîte. Transporté dans la salle basse, un ouvrier intelligent, que les domestiques du duc avaient amené avec eux, pratiqua l'ouverture du coffre et étala avec le goût parisien les riches présents du splendide et galant Richelieu. Ces présents consistaient en une vaste corbeille et en deux coffrets de lac de la Chine, envoyés à grands frais de Canton par les missionnaires jésuites au petit-neveu du cardinal de Richelieu. Ces deux coffrets, d'un travail exquis et ornés de peintures vives et originales, telles que les artistes chinois en savent faire, contenaient une foule de ces bagatelles admirables, de ces inutilités ravissantes qui possèdent le rare privilège de charmer les femmes de toutes les humeurs et de toutes les époques. C'était un jeu d'échecs en or et en ivoire, dont toutes les pièces représentaient les rois et les guerriers célèbres de la France, depuis Clovis jusqu'à Louis XIV, et depuis Charles Martel jusqu'à Turenne, en passant par Boussicault, Sancerre, Du Guesclin, Bayard et Guise. C'étaient des flacons de cristal d'Alep et de Damas, qui exhalaient à travers leurs bouchons d'opale, d'émeraude et de rubis, les parfums les plus suaves et les plus féeriques senteurs. C'étaient des pygmées, des nains, des magots en bois de Sainte-Lucie, en ébène, en porcelaine, remarquables par la finesse du travail, la vérité des attitudes, le comique de la physionomie. C'étaient enfin des coquillages précieux arrachés aux abîmes de la Propondide et de la mer Égée. Des tissus de plumes, éclatantes épaves du trône des Incas et du temple du Soleil. Des cocos façonnés en forme d'urnes, de fontaines, de vases et de piscines, par les mains intelligentes d'un Puget de Madagascar ou d'un Benvenuto Cellini de Cayenne ou de la Guadeloupe. Avant que l'amour de la liberté eût créé des généraux nègres, la servitude avait fait éclore parmi eux de patients artisans et de grands artistes. L'esclavage mûrit et développe le génie de l'homme. Ésope et Plaute doivent peut-être l'immortalité aux pesants loisirs du jardinage et du moulin. La corbeille de noces affectait la forme d'un obélisque et son diamètre à la base était de 3,5 pieds. Elle était de moire blanche et de taffetas de la même couleur et les délicates arêtes de l'obélisque ainsi que les gracieux contours du fragile vaisseau étaient ornés de guirlandes de perles et de crépines d'argent avec glands et dragons du même métal et de la même couleur. Rien n'égalait la magnificence, l'élégance et le bon goût de cette corbeille qui semblait être l'œuvre des fées ou des compagnes fabuleuses de cet arachné que la jalouse Pallas métamorphosa en insecte pour la punir de ses talents. Les dieux sont parfois aussi injustes et aussi implacables que les hommes, et le génie est trop souvent persécuté par les uns et par les autres. Le vieux maître d'hôtel, malgré son peu d'enthousiasme pour l'alliance que sa maîtresse allait contracter, ne put s'empêcher d'admirer et de louer le goût exquis, le tact parfait, qui avait présidé à l'ordonnance et à la confection de ses présents. « Voilà qui est superbe !» s'écria-t-il. « Et je doute fort que notre vertueuse et vénérable reine Marie Leczinska ait jadis reçu de Louis XV un aussi magnifique cadeau de noces. » Et pourtant l'auguste princesse, qui apportait en dot la Lorraine à la France, interjeta Savigny, méritait bien aussi de splendides merveilles. Mais monsieur le cardinal de Fleury n'était point généreux, et il s'entendait beaucoup mieux, le sage vieillard, à stipuler les articles d'un traité de paix ou d'un contrat de mariage, qu'à inventer de gracieuses surprises et à improviser des fêtes. « Monsieur de Savigny, répliqua le maître d'hôtel, le cardinal de Fleury était le ministre du peuple par excellence, et il était pour cette raison bon ménager des ressources de l'État. Ignorez-vous donc que les prodigalités de la cour, que ces fêtes, que ces carrousels, que ces tournois, que ces largesses de toutes sortes, sont prélevées sur le nécessaire du laboureur et de l'ouvrier? Oh, je vous en prie, ne raillez point la patriotique parcimonie de feu monsieur le cardinal de Fleury, et respectez sa mémoire. Le cardinal de Richelieu a travaillé pour la grandeur de la France, le cardinal Mazarin pour la grandeur du trône. Honorons le cardinal de Fleury qui a travaillé lui aussi pour la grandeur du trône et de la France, mais aussi et surtout pour le soulagement du peuple. « J'ai toujours pensé, fit l'écuyer de la Rivière, que notre ami Joseph de Plunard avait manqué sa vocation. À la manière dont il nous prêche, on sent qu'il aurait fait un excellent cordelier, ou mieux peut-être, un avocat général du Parlement de Paris. Les homélies et les remontrances ne lui auraient rien coûté. « Je ne sais, repartit le maître d'hôtel, piqué de la fatuité avec laquelle la Rivière avait prononcé ces paroles, je ne sais si j'aurais pu faire un prédicateur ou un magistrat. Mais ce que je sais fort bien, c'est que je me suis toujours efforcé de penser, d'agir et de parler en honnête homme. Peut-être mon langage n'a-t-il pas toujours été bien compris. Mais tant pis pour ceux dont l'intelligence paresseuse ou corrompue ne se plaît que dans un ordre d'idées et dans un ordre d'action qu'il ne me convient ni d'applaudir ni d'apprécier. » La réplique était acerbe. L'écuyer du duc de Richelieu, comme tous les gentillâtres à la solde des grands seigneurs, était fort peu clair. Mais le trait avait été si vif qu'il en sentit immédiatement la blessure. « Vous êtes piquant, monsieur de Plunard, » fit-il en rougissant de colère, « et sans vos cheveux gris, je pourrais vous apprendre à... »« Qu'à cela ne tienne !» interrompit le vieux maître d'hôtel, dont les yeux brillèrent d'une flamme toute martiale. « Oubliez mes cheveux gris, monsieur de la Rivière, et articulez une insulte, si cela vous convient. Je serais bien aise de vous rappeler qu'un capitaine au régiment Dauphin a pu, sans déroger, devenir le maître d'hôtel de l'illustre maison de Guise. Ce titre de maître d'hôtel, souvenez-vous-en bien, je ne l'aurais pas accepté chez les Richelieu. Leur race est tout entière dans le tombeau de la Sorbonne. « Allons, allons, messieurs !» dit Bernard de Savigny en se plaçant entre les deux adversaires. « Voulez-vous inaugurer la noce de mademoiselle de Guise et de monsieur le duc de Richelieu par une querelle insensée ?»« Eh, messieurs, ne sommes-nous pas tous dès à présent les commensaux du même maître ?» Pour Dieu, vivons en frères et n'offrons pas le triste spectacle d'une lutte homicide et d'un antagonisme déplorable aux nombreux serviteurs que nous devons diriger. Monsieur de Plunard, oubliez la plaisanterie hors de saison de Gaspard de la Rivière, qui a toujours fait profession de vous estimer et de vous respecter. Gaspard, offrez la main à notre doyen, à notre vieil ami, dont l'emportement légitime explique la provocation. Le sang du soldat et du gentilhomme bouillonne sous tous les habits, et pour être simple écuyer d'un grand seigneur, vous-même, la Ribière, vous n'avez pas plus abdiqué que M. de Plunard les honorables susceptibilités d'un noble cœur. Allons, vite, qu'on s'embrasse !» Le maître d'hôtel et l'écuyer cédèrent de bonne grâce à l'invitation de Bernard de Savigny et enveloppèrent dans une affectueuse étreinte leur grief mutuel et leur velléité de vengeance. « Or ça, mon cher de Plunard, reprit Savigny, nous n'avons précédé que de quelques heures notre gracieux maître. Monsieur le duc de Richelieu n'a point oublié que c'est aujourd'hui même, à minuit, qu'il doit recevoir devant Dieu, dans la chapelle de ce château, les serments de Mademoiselle de Guise. Tout est-il préparé pour la bénédiction nuptiale et pour le souper qui doit suivre la cérémonie religieuse ? Ne vous inquiétez pas, monsieur de Savigny, répliqua le vieux maître d'hôtel. Rien n'a été négligé, et c'est moi qui me suis chargé de régler la partie profane de cette fête. C'est assez vous dire qu'elle sera digne des illustres conjoints. En sortant de la chapelle, une table de 25 couverts sera dressée dans la salle d'armes du château et recevra le petit nombre de parents et d'amis que Mademoiselle de Guise et Monsieur le duc de Richelieu auront jugé à propos de convier à leur festin de noces. 12 longues tables, en outre, seront disposées dans les galeries pour les bons habitants de ce village, car Mademoiselle de Guise a voulu que les moindres et les plus pauvres de ses vassaux participassent à la joie et aux espérances de bonheur que cette cérémonie lui inspire. « Bravo !» exclama Bernard de Savigny. « Et soyez persuadé d'une chose, cher Joseph, c'est qu'en aucun temps peut-être le château de Beaujeu n'aura vu rassembler dans son enceinte plus de nobles esprits. Monsieur le duc de Richelieu amène ce soir avec lui le vaillant Maurice, comte de Saxe, le brave chevalier de Maillé, le marquis de Contade et le maréchal d'Estrées. Voltaire, gentil Bernard, Helvétius et l'abbé de Bernice accompagneront ces foudres de guerre. Vous le voyez, la gloire et le génie vont signer ce soir au contrat. Plaise à Dieu, dit le vieillard en levant les yeux vers le ciel, que ces doubles signatures de beaux esprits et de héros soient un heureux présage pour la dernière héritière de la maison de Guise. En ce moment, le timbre éclatant d'une sonnette se fit entendre. « Voici mademoiselle qui sort de son cabinet et qui va se rendre dans ce salon, » dit le maître d'hôtel. « Messieurs, retirez-vous et place à mademoiselle de Guise. »